Planet Rap. Planet Rap. Planet Rap. Planet Rap. Planet Rap. C'est l'émission rap de référence. Skyrock. 20h-21h. Ladies and gentlemen. Ce soir, c'est Planet Rap Niro sur Skyrock. Et c'est parti pour le Planet Rap avec Niro, dernier Planet Rap de la semaine. On est là et on est à 7 jours. En plus, on est grave nombreux là, j'attends du monde grave. Donc, ça va être blindé de fou ce soir. C'est vrai. Blindé. Voilà. Donc, à pas louper ce soir ce gros Planet Rap. Comment ça va, Niro? Ça va, alhamdoulilah, et toi, mon frère? À une semaine de la sortie. Salam à tous ceux qui nous envoient des messages. Et ouais, une semaine de la sortie, voilà. Voilà, c'est fait. C'est pratiquement fait. C'est pratiquement fait. Encore un peu de patience et ça arrive. Qu'est-ce que tu peux nous souhaiter, toi, à part. Tu sais très bien, le meilleur comme d'hab. Inch'Allah. Continuer à bien tourner aussi. Inch'Allah, pourvu que ça dure. Voilà. Et puis, on attend aussi. Ça dépend pas que de nous. Ça dépend de ceux qui suivent. D'ailleurs, force à tous ceux qui envoient des messages. Salam à ceux qui nous écoutent. Voilà. Le hashtag c'est Niro sur Skyrock. Le téléphone pour Jean Niro encore une fois de plus ce soir, 06 71 74 84 15. Oui, tout à fait. Là, ça sonne déjà. Ils sont énervés là. Eh ben, tu pourras prendre dans un instant. On va débuter l'émission avec un petit replay de la semaine. Ce qui s'est passé dans Planet Rap. On a concentré tout ça en quelques minutes. Beaucoup de live, ça donnait ça. Très bien. C'était toute cette semaine avec Niro sur Skyrock. Maison G, je suis le plus m'écrase ou c'est moi pas tous à la fois. Ils veulent que je m'écrase comme le poteau bas la voix. Je suis au courant de toutes les histoires, surtout pas celles dont on parle. Le bras tellement long de chez moi, je peux mettre du sel dans ton plat. Le bras tellement long de chez moi, je peux mettre du sel dans ton plat. Le bras tellement long de chez moi, je peux mettre du sel dans ton plat. Clique pas si tu vives pas, mais dis pas qu'on mérite pas. Ouais, mais dis pas qu'on mérite pas. Clique pas si tu kiffes pas, mais dis pas qu'on mérite pas. Ouais, mais dis pas qu'on mérite pas. Clique pas si tu kiffes pas, mais dis pas qu'on mérite pas. Ouais, Charo, je t'en. Mais dis pas qu'on mérite pas. Ah, Chico, mais dis pas qu'on mérite pas. Mais dis pas qu'on mérite pas. Planet Rap. Planet Rap. Le 6 novembre dans les bagues. Le 6 novembre dans les bagues. J't'ai dit. Le 6 novembre dans les bagues. Le 6 novembre. On peut jouer les Pablo. Y'a des vrais rats qui ont les yeux sur ton bénéf. On peut jouer pas les Pablo. Tu vas tomber comme tout le monde si la basse fausse te pénètre. C'est plus tard de nous régner à le 6 novembre dans les bras de ses yeux. N-I-R-O. Planet Rap. Planet Rap. Du bruit pour rien, ils sont tous à fond. Bro, il en faudra plus pour m'accabler ou pour me soulever, pousser la fond. Le rebeu est plus lourd qu'un macabre. Moi, ce que je veux, c'est dormir sur un tas de blé. A chaque album, je me dois de le rappeler. J'ai frappé fort la putain de sa mère. Je leur ai prescrit un prier à rapper. Depuis le départ, que de la frappe. Je suis l'assassin, le médecin légiste. Ils croient tous avoir inventé la trappe. J'avais déjà leur flot dans paraplégie. Kilo d'héros, kilo quitte l'obsessé. Kilo d'héros. Bien compressé, zgag dressé dans leurs fessiers. Je ramasse les billets, ramasse les blessés. N.I.R.O. J'suis négatif. C'est pour ça que j'fais la diff, j'suis négatif. Street lourd, de mauvaise humeur négatif. Planet Rap. Des gros lives en effet cette semaine avec ce morceau négatif. On a réécouté aussi le freestyle Balavoine. Et bien d'ailleurs, dites-nous un petit peu vous aussi vos morceaux préférés de l'album. Vous balancez avec le hashtag Niro sur Skyrock. J'ai vu beaucoup de monde sur le Ousbad. Il y a grave du monde sur Ousbad. D'ailleurs, le clip il arrive dans un peu moins d'une semaine maintenant. Enfin, normalement, la semaine prochaine, Inch'Allah, vous l'aurez. Clip tourné dans la favela de Rio, Copacabana. Voilà, on vous met bien. Voilà, on a pu découvrir plein de morceaux. Donc, dites-nous un peu vos morceaux préférés. Vous le balancez avec le hashtag Niro sur Skyrock. Ouais, Ousbed, produit par Suleiman Beat. Force à lui. De toute façon, on va le mettre ce soir. Et on va le mettre ce soir. Oui, il est prévu ce soir. On va vous le remettre ce soir. Mais juste avant, débutons avec Le Ciel est ma limite. C'est parti. Très bien. Bonne idée. Salam à Kujo. Allez. Iso. C'est extrait d'album, ça sort dans une semaine et on précommande dès maintenant Niro. Des fois je me pose des questions bêtes. Est-ce que le ciel est ma limite? Encore un de mes potos qui a fait une dinguerie. Au père et puis des flingues. Toujours les mêmes histoires. Fierté et conflit d'intérêt. Ils veulent savoir ce qui se passe sous mon béret et combien de sous j'ai récupéré. J'ai tellement galéré, du mal à me tempérer, mais t'inquiète, j'ai serré. Pointé du doigt depuis petit peu, c'est nous les enfants terrés. On fait connaissance avec la faucheuse de 50 sur le péré. Surmets les intempéries, cousine, c'est pas la mairie. J'fais moi, télé ça suffit. Je me marie pas la mairie. Si comme nous t'es issu de la servie, tu seras jamais mon ennemi. J'ai taffé de moi dans ma vie, j'ai jamais touché les rimes. Des fois je me pose des questions, mais est-ce que le ciel est ma limite? Quelle est la différence entre ça et mon rage et l'anonymie? J'ai besoin d'un aller-sain, j'ai besoin d'un alibi. J'calcule pas ce qui nous ralentit. Pour toi j'ai besoin d'un alibi. Pour toi j'ai besoin d'un alibi. Casser les portes de la réussite. Maman il faut que je fasse mes feux. Je connaissais l'enfant de la nuit, j'écris jusqu'à l'aube. La concurrence n'a pas fait son deuil. Genre d'un cauchemar, je me lève dans un autre. L'impression que je passe à la saison 2. Accompagné même si je baille. Le 6 novembre dans les bacs, si je me souviens. Daniel Hero. Pour ça, tous ceux qui nous écoutent. Dans les bouchons. Ouais, ouais. Cavalé après les miennes. Pour toi, ça m'a pris la tête. Les anciens ont pris les pépettes. On arrive après la fête. J'ai appris en grandissant alors. Je suis devenu intransigeant, le rap, c'est bien tigeant, mais salope. J'arrêterai pas dans 10 ans, ben ouais, mon ami. Le jour se lève, je suis encore plus beau avec la veille. Le soir à fond dans la gova, je me brûle les doigts avec le cul de la veille. Je me brûle les doigts avec mes lovas au collège, au lycée, mauvais élève, celui qu'on surveille. Une arme blanche cachée dans mon survêt, toujours prêt à faire des putains de trucs. J'ai besoin d'un aller simple, j'ai besoin d'un alibi. Je calcule pas ce qui nous ralentit. Pour toi j'ai besoin d'aller vivre. Pour toi j'ai besoin d'aller vivre. Casser les portes de la réussite. Mais avant il faut que je fasse mes feux. Est-ce que le ciel est ma limite? Le ciel est ma limite. J'ai besoin d'un aller vivre. Je calcule pas ce qui nous ralentit. Pour toi j'ai besoin d'aller vivre. Casser les portes de la réussite. Mais avant il faut que je fasse mes feux. Est-ce que le ciel est ma limite? Est-ce que le ciel est ma limite? Casser les portes de la réussite. Mais avant il faut que je fasse mes preuves. Est-ce que le ciel est ma limite? Le ciel est ma limite, c'est un extrait de l'album qui sort dans une semaine, celui de Niro. Si je me souviens, c'est le nom de cet album sur Skyrock. Niro avec nous, on n'a pas salué l'équipe de Street Lourd qui est là aussi, Moscou. Mistaflo ce soir qui a pris le relais de Teddy Corona. Non, voilà. Pas le relais, il va arriver lui. Il y a Coco, il arrive, Teddy Corona, il doit être sur la route. Il y a Brass, il y a Peperos aussi qui va venir, les frères d'Orléans. Il y a Coro qui est sur la route, il y a Nino Brown qui est sur la route. Il y a Chapeau qui est là, avec nous, qui a produit sur l'album, Chapeau qui est derrière toi. Voilà, il y a Gramoun aussi. Il y a Gramundo del Mundo. Notre grand gras. Toujours énervé. Et il y aura donc du freestyle ce soir. Monsieur Casimir. Freestyle ce soir. Ouais, il y aura du freestyle normalement ce soir. Normalement. Si. Je sais pas, ça dépend de toi en fait. Pourquoi? Bah, je sais pas. Tu fais le freestyle avec nous ou pas? Ouais, bien sûr. Ah, franchement, j'aimerais bien voir ça, moi. Fred de Sky en freestyle. Envoyez, on m'a dit, Fred, il rappait à l'ancienne. Envoyez des messages. Ouais, on m'a dit ça. Il y avait un groupe. Ouais, on m'a dit ça. Les radis bleus. Ah, t'es sur mes côtes en fait ce soir. Ouais, tu m'as attaqué, je t'attaque. Ouais, comme ça, non? Moi, je suis pour que les gens ils envoient des messages. Si on pète le score au niveau des messages, freestyle de Fred de Sky. Mais vous rêvez. Voilà, ah, franchement, ouais. Voilà. Envoie-nous une petite impro là. Mais je vais briser des carrières si je fais ça. Ah bah voilà, c'est ça qu'on veut, nous. On voit là. Si je me lance, c'était grave ou quoi? Ah, c'est... Je serais obligé de me faire des semaines pour moi dans Planète Rap tout seul. Ouais, bah voilà. Voilà. Nous, en tout cas, on aimerait bien voir ça. Et bah peut-être tout à l'heure. Voilà, c'est ça qu'on aime. Envoyez vos messages. Mais après l'émission, le Planète Rap avec Niro entre 20h et 21h. Rappel aussi 06 71 74 84 15. Merci Moscou. 06 71 74 84 15 pour joindre Niro ce soir une fois de plus. On te fera écouter d'ailleurs, puisqu'on a récupéré un peu le portable, on a récupéré quelques messages qui t'ont été laissés sur ton répondeur. Ah, c'est très mignon ça. Donc on découvrira ça d'ici quelques minutes. C'est des messages d'amour ou pas? Ah, bah ça tu vas voir. Bah, j'aimerais bien. Mais juste avant, j'ai envie de dire Oh les mains là, produit par Souleymane Beat, encore une fois, qui a fait du gros boulot sur l'album. Ouais. D'ailleurs, j'aimerais bien qu'on parle vite fait des beatmakers aussi. Vas-y, d'ailleurs, saluons un petit peu comme c'est la dernière fois. Donc je vais saluer tout spécialement Will Star, Souleymane Beat, Chapeau et Phenom. Chapeau qui est là avec nous ce soir. On lui tire Ouais, on lui tire grave, on lui tire le chapeau. De toute façon. façon, Chapeau, il a archi pas besoin de nous. Il est aux États-Unis, il envoie des sons là-bas, il carbure de partout, il est loin. C'est vraiment. C'est pas un petit dans le milieu. C'est pas un petit dans le milieu. Chapeau. Une spéciale à Genius, une spéciale à 4093 Rhinome Music. J'ai oublié qui. Et Ops à la prod. Une spéciale à Ops, voilà. T'es sûr t'as oublié personne? Je pense n'avoir oublié personne. Les gens qui ont bossé sur l'album, que d'ailleurs on a peut-être oublié de parler de quelqu'un ou de quelque chose en particulier sur cet album. Les featurings, Monsieur Nov d'ailleurs, qui est sur l'album Attends deux minutes, un titre un peu club, comme un Chris Brown ou un autre aurait pu faire, qui est vraiment pas mal, j'aime beaucoup ce morceau. Et mes gaillards aussi, ils l'aiment bien, ils dansent un peu bourré dessus. Et aussi Koro, l'éternel Koro, depuis le début, premier album, il est là, ça bouge pas. Qui est avec toi depuis le début, qui t'accompagne. C'est pas un papillon de nuit. Qui t'accompagne aussi régulièrement. Ouais. D'ailleurs il arrive à découper le micro de Skyrock ce soir. Et qu'on retrouvera en live tout à l'heure entre 20h et 21h. On écoute aux les mains et après je vous ferai goûter aussi vos messages, les messages que vous avez laissés à Niro. Oui. Les gens et sa voiture dans des flots qui contrôlent même pas, il va en concert et c'est tout. Si je me souviens. Niero, t'es sur les bonnes zones, mon ami. Roulez. Et tu sais où tu vas. Ouais. West Comoni, LA. West Comoni, force à toi, frérot. Los Angeles, ça bouge pas. Wesh à Black Dog. Rimac. Boum, wesh à The Crew. On est ensemble, ça bouge pas la famille. Ouais, ouais. Moi je suis pas là pour être aimé ni être adulé par des traînées. Je suis de la rue, celle que vous craignez. De son parfait, je suis imprégné. Je vais rester dans l'anonymat comme Batman et l'homme araignée. Je m'étonne pas de voir mon sang couler. Une lettre n'est pas régnée et saignée. Des langues de pute, je me suis éloigné. Y'a personne qui va m'épargner de là où je suis sur la vie de ma mère. Mais elle a mes dieux là. Pour moi, c'est gagné. Miroir, dis-moi qui sont mes ennemis. Salim. Dis-moi qui sont mes alliés. Je ne peux pas faire personne au jugement dernier. Mais mes organes vont témoigner. Bientôt, je vais mettre les voiles. Je te laisse traverser à la nage. Plage, hôtel 5 étoiles. Vodka pour ma nana. Donnez l'oseille, gardez la gloire. Le show business, les poulies stériles. Sachez le bien, je m'en bats tellement les couilles qu'on dit eh bien que je vais devenir stérile. Mais qu'est-ce que tu crois, sale fils de pute? Avec le peu de promo qu'on m'a quoi? Tu croyais que j'allais faire disque d'or? Avec des morceaux à quoi? Tu m'as connu faire. Mon ami. Tu m'as connu déter. Mon ami. Tu m'as vu ses pères. Tu m'as vu ses pères. Tu m'as cru chez père. Tu m'as cru chez père. Zou. Et une spéciale à ceux qui précommandent l'album le 6 novembre dans les bacs. Si je me souviens, mon ami Eliel Ross Tritlo. Oh les malins. Ouais. 4h du matin, je suis beau et je parle à mon zgeg. Derrière nous, ça complote, on n'est pas des modèles. Tu verras pas ma gueule dans leur soirée mondaine. Niro, c'est pas trop pas te s'en bat les couilles de ton gay. Je remets pour les terminer, plus déterminer. C'est la zerminer dans la guerre, fini de faire briller tous ces faux frères. Je me mets au beurre, coffret de eux pour être au vert. Bien conscient que c'est Zibar, elle est au vert. On a déjà tous bu la tasse dans le ghetto. J'aurais pas fait du rap, j'aurais fait ma place dans le béton. J'ai grandi qu'avec des putains de rap, boss, pas de mytho. Un million d'euros, tu m'en verras pas de sitôt. Intimide les femmes et les folles. Appel anonyme sur mon téléphone. Ta pétasse a volé mon numéro. Je l'ai jeté en l'air même si elle était bonne. Sur la terrasse d'une soirée paro. Rabat de Sarah, j'allume une galop. Je regarde en l'air, c'est du corona et 24 carats sur les carreaux. Ils sont Longo plein d'élations, ils sont plein. Pour les soigner, j'ai pas la solution. Je suis nouveau comme une interpellation. Je suis pas une révélation, je suis une révolution. Oh les malins. Oh les malins. 3 millions de frères, familles nombreuses. Ils font les malins et... Ouais, Joe la poire, Pookie. Ça bouge pas d'un trait. Mardu. Putain de ta mère, on arrive. Le 6 novembre, on arrive, mon ami, ça bouge pas. BLO, Kennedy, Dédé Long Beach, Kochi. 9-4, BBS, Joinville. Orly, Choisy, Vitry. Pour le 9-3, Champigny. Le 9-5, le 7-7, le 7-8. Le 7-5, le 9-1, le 9-2. Une spéciale à tous les quartiers de France, Marseille. Ouais, ouais, la Castellane. Lyon. Fond vert, Planda, on vous reçoit. Lyon, wesh à Moha, Arthur. Libérez Moha, libérez Darsay, libérez Chichakal. Niro. C'est le 6 novembre dans les bacs. Si je me souviens, l'album de Niro et le morceau. Tout à fait. Oh les mains à l'instant. Tout à fait. On va saluer l'arrivée de monsieur Teddy Corona qui nous a rejoint autour de la table. Oh les mains là. Wow. Ouais. Tout à fait. L'accueil ça. Ah, j'arrive et on me dit oh les mains. Putain, tu m'as mis le micro dans merde, le mec. Désolé. Putain, oh les mains quoi. C'est un faux mouvement. Il commence à être touché Fred. Sean, ouais. Ouais. Il va nous faire un freestyle racaille ce soir. Un freestyle d'anthologie. Les radis bleus. Les radis bleus. C'est vrai que c'était le nom de mon premier groupe. Radis bleus. Les Radis Blue avant qu'on se sépare, on était deux, fini tout seul. Niro avec nous entre 20 et 21, c'est vrai qu'on parlait à venir aussi, Niro, il y a quelques minutes, tu parlais aussi des gens qui ont collaboré avec toi sur cet album. Qu'est-ce qu'on peut toi te souhaiter autour de cet album, Niro? Bah, Inch'Allah que ça vende un peu plus que le précédent. Mmh. Après, de là à dire le Roro, peut-être je serais un peu prétentieux, mais pourquoi pas, Inch'Allah, j'espère que les gens ils vont aller soutenir dans les bacs, c'est pas un CD à 2 balles, t'as vu. C'est pas du rap à 2 francs, c'est pas du rap de Leader Price. On vous met bien. Et c'est Inch'Allah, j'espère que ça se répercutera dans les ventes. Du moment qu'on vend plus que le précédent, on s'en bat les couilles, c'est une marge de grimper. Donc voilà, force à tous ceux qui achètent l'album, qui précommandent, force à tous ceux qui n'ont pas de carte bleue. Qui vont aller l'acheter en physique. Dans les magasins. Ou le voler, parce qu'il y en a beaucoup, ils le volent hein, chaque année, je te mens pas. Hein. Il y a beaucoup de gens, ils me disent, j'ai Niro, volé ton CD. On ne vole pas la musique. On ne vole pas la musique. On ne vole pas la musique. De toute façon, je m'en fous, c'est payé quand même. Voilà. Rien à foutre, vole-le si tu veux, bordel de merde. Ça revient au même. Ouais, bébé, pour nous, ça revient au même. Est-ce que t'as compris, salope? Je rappelle que voler est dangereux pour la santé. Ouais, exactement. C'est bête, hein, les gardes à vue, tout ça. Voilà. Niro avec nous entre 20 et 21 sur Skyrock. Tiens, on met les répondeurs, t'as le répondeur? Ouais, ouais. Les gens t'ont laissé des messages cette semaine, on a pris le florilège, la crème de la crème. Ah, écoute. Lourd, j'aimerais écouter ça. Très bien. Niro qui est lourd, vas-y continue comme ça, je kiffe trop tes sons, c'est du lourd, mais un personnage qui est du lourd. Oh, c'est Leïla gros, ouais je dis encore Niro, ouais je crois que je réponds au téléphone là, c'est sérieux, on représente le lien avec ma gueule. Salut Niro, je t'adore, c'est super, voilà, Nino. Ouais, Niro, le criminel, la concept, mais on est là, depuis le début, je suis venu voir au Luxembourg. Je voulais te voir au Trinité à la mer. Salut Niro, je te rappelle après, je t'aime. Oh, c'est beau ça. Vendine, voilà, machallah, t'as fait du chemin depuis le temps. Ouais, salam frérot. Romain, on s'était vu à MGR. Grosse force à toi, frère. On va t'écouter jusqu'au bout, frère. Voilà, on te soutient, frère. On va pécho l'album, Inch'Allah, le 6 novembre. T'inquiète même pas, Inch'Allah. Grosse force à toi et j'espère le disque d'or, Inch'Allah. Aïe, aïe, aïe, NDR, oh my god, roulez. Fin de nouveau message. Ah putain, voilà. Merde. Petit florilège des merci messages. À vous, voilà, merci à vous, merci à vous. Que des malades mentaux, voilà. Et tu vois plein de nanas en plus qu'on les a. Ouais, en plus il y a grave des meufs, hein. C'est surprenant parce que c'est un peu virulent, je te mens pas. Non, gros, je te garantis. Mais il y a beaucoup de filles, hein, je te mens pas. Je te garantis par rapport à l'époque Mafia Quinfri, chez nous dans nos concerts il y avait pas de meufs. Là. Non. Non, mais ça a changé maintenant les filles. Les filles sont de grandes consommatrices aujourd'hui. Jamais vu tourner Niro là. Les meufs, elles sont devant. Une spéciale elles pour les filles devant. Qui sont devant, qui viennent tout casser au concert. J'ai bien aimé comment tu as dit. Oui, c'est vrai que c'est un peu virulent. Ouais, mon album est un peu virulent. Virulent, percutant. J'ai envie de te dire. En plus, en ce moment, je suis en interview, je soigne mon langage, donc faut faire attention quoi. Oui. Non, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de filles hein, qui viennent. Il y a beaucoup de meufs qui viennent dans les concerts à se mettre devant. Et ça fait plaisir. Et ça fait grave plaisir. Force à toutes les petites meufs qui nous soutiennent. Nous, si on vous aime, voilà. Niro avec nous entre 20 et 21, on attend de mettre un morceau. Ouais, t'as la même télécommande que chez moi, frérot. Je dis ça. Voilà, c'était pour la petite info. D'ailleurs, mon fils, il l'a cassé, je crois que je vais te barber la tienne. C'est ça, en fait. Ouais, voilà. Wesh à mon zinc. Wesh à mon zinc. Wesh à mon zinc. Koro, il devait être là, je sais pas. Koro, frérot, t'as vu, tu m'écoutes. Comme il est pas arrivé. Ah, comme il est pas encore là, donc on va pas le mettre. Mais Koro, il est pas sérieux, de toute façon. Non, mais si je me souviens, là. Si je me souviens. C'est un bougnoul, de toute façon. Il est toujours en retard, les bougnouls. Hein, Koro, si tu m'entends, ramène tes fesses, là. Eh bah, comment je vais expliquer où c'est ça, l'histoire de voler les bougnouls maintenant? Ouais, mais ouais. Attends. Je suis pas d'accord là, il ramène ses fesses parce que déjà les plus petits sont plus sérieux, son petit cousin il arrive avant lui donc il se dépêche, ramène tes fesses. Niro avec nous entre 20h et 21h. Et on écoute ce morceau, c'est aussi le nom de l'album, si je me souviens. Morceau un peu plus introspectif. Si bon, en fait, il y a grave du monde qui le demande depuis tout à l'heure en plus. Donc voilà, on vous le met ce soir. Si je me souviens, gros classique du rap français. Force à tous ceux qui vont chercher l'album, 6 novembre. Yeah! Will Star. Ouais. Nos ghettos étaient pas les mêmes. Je me rappelle en 99. La nuit, j'entendais. Juste là en bas de mon immeuble. Je me rappelle de la violence et des armes. Quand les rangs de l'air noir, c'est mes potes. Je me rappelle quand je les comprenais pas. J'ai compris qu'on se fait du mal quand on se connaît pas. Malgré la zermie, les soucis à la bague. Voilà qu'on tapait des bas. Ta famille passait au béton. On baissait la tête, on se la racontait pas. J'ai pas 1500 partenaires. J'ai vu la rue les escorter. Du sable et du sang par terre. J'ai vu la mort les emporter. Je me rappelle de ces journées pétées. Quand on coursait les cups à Kennedy Dédé. Ça les arrangeait qu'on les frappe en plein été. Ils ont profité pour gratter des gens d'ITT. Quelque part où aller, rayon y était. Y'a haja à faire direct, on s'y mettait. Je vendais leur conso, y'avait pas de sous-métier. Que le bitume et leur tête de con sous mes pieds. Parce qu'à l'époque y'avait pas d'iPhone, pas d'iPad, pas d'ordinateur. Les grandes chez moi tiraient sur les condés par la fenêtre de chez leur géniteur. Ces bâtards nous rendent des visites, des matraques, des gazeuses et des coups de taser. Ils voulaient nous coller, tentative d'homicide, à Starfer, on n'en était même pas majeur. Avoir un fils et prendre des love et moi à part en du buzz. J'suis fier de mon parcours quand je me rappelle que j'ai grandi au blaze. Pas besoin de feat sur l'album, allez on y va. Ça piche qu'on charbonne, qu'on fournit de la bonne. Sortez vos 10 balles, gros fuck les divas. Faut que ta chicha bombe, y'a plus rien qui va. Trop violent pour ton festival. Ils ont beau faire strap, j'ai aucun rival. Ils font ce qu'ils veulent, on sait ce qu'ils veulent. Fin du débat, chercher l'amour de la France à la rade. C'est comme chercher l'amour dans un film de poule. Une mère de famille m'a traité de salarabe. Ils veulent me voir intégré comme Jamel de Bouche. J'aurais kiffé poser mon petit couac à la fac. Bibi de la patate au petit fils de bouche. Au lieu de ça dehors, ça caillasse la bague. Rabat sur backpack et votre carré de boule. Ils font les pestes, on les baisse tous à la bosse. Sur le dos, le vrai s'assit debout. J'ai pas dit ce que j'ai fait tout ce que j'ai dit. Le rap de mes boules, moi j'en ai rien à foutre. J'ai pas la réponse à la bêtise, imbécile, apprécie, mais assez agressif. Après si t'as saisi ce que j'ai dit sur mes 10, tu sais que toi ou t'as elle auront dans leur boule. Si je me souviens, Inch'Allah, pour nous ça finit bien. J'en ai vu plein retourner leur veste Philippe. Si je me souviens, Inch'Allah, pour nous ça finit bien. Le 6 novembre, dans les bacs à Niero. Et une spéciale à tous les quartiers de France, à tous nos incarcérés comme tous les soirs. Force à vous, Niero. Le 6 novembre, c'est dans les bacs et on précommande dès maintenant pour aller récupérer tout de suite l'album de Niro. N'hésitez pas à cliquer, n'hésitez pas à les récupérer dès maintenant. Yeah. Ouais, ouais. Niro, le 6 novembre. Si je me souviens, l'album. Dans un instant, nous allons revenir. Il y aura du live d'ici quelques minutes. Freestyle, il a pas loupé avec Niro. Ouais, ouais. On mettra un autre titre. Qu'est-ce qu'on a de prévu? Bah, ce soir, on va vous faire découvrir le titre avec Koro, produit par 4093 Orinome Music. Voilà, Koro qui pour moi est l'un des rappeurs les plus forts de même pas de sa génération, le plus fort tout court. Donc voilà. On va mettre Ousbed, on vous met bien aussi. Voilà. Et puis continuez à nous dire aussi vos morceaux. Hein. Vous avez pu entendre cette semaine les morceaux préférés Niro. Tu vois, regarde un message qui dit Niro, j'étais pas trop fan. Il m'a mis d'accord le 6 novembre, c'est dans le poste. Ah voilà, tu vois comme quoi, hein, comme rien quoi, n'est jamais trop tard. Rien n'est jamais acquis. Ah, n'est jamais trop tard. Et trop tard non plus. Après voilà, on a fait découvrir quelques morceaux. Et il y en a d'autres. Semaine. Il y en a d'autres. Mais voilà, comme le film sort la semaine prochaine, on garde un peu de surprise, tu vois. Fred, t'as de la chance ce soir, je suis de bonne humeur. J'allais me mettre sur tes côtes là, à fond ce soir, mais vas-y tranquille. Pourquoi ce soir, je suis de bonne humeur. Tu peux, hein. Il n'y a pas de problème. Ah, écoute. Il y a de la répartie, hein, t'inquiète pas. Ah, bah, tout va bien. Il a dit, il n'y a pas de problème, t'inquiète, c'est de la répartie. Oh, fais très attention, Fred. Ah, les jeux sont ouverts, j'ai envie de dire. Vas-y, de toute façon, il va faire un freestyle ce soir, il a dit, donc on verra. Pourquoi Mosco t'engraine, toi aussi, là? Ah, non. Il commence à chier dessus. Voilà. C'est ça ou pas? C'était une bonne technique. Très sûr de toi, mon petit gars. C'était une bonne technique, essayer de dévier vers Mosco. Ouais, mais. Moscou, en plus, il est pas très chaud. Franchement, j'ai commencé à me dire, c'est bon, j'ai déjà deux. En ce moment, je doute du niveau de Moscou. Avec Moscou, j'ai 2-3 trucs d'avance. Genre, je peux attaquer sur Pogen, je peux attaquer sur plein de trucs. M'échauffe pas. On peut attaquer sur les lunettes de chips, on peut attaquer sur plein de trucs. Oh là là là là là là là là. Ça y est, il est sur les côtes à Moscou. Voilà. Je t'en prépare. Ok. Après, mais, pub, non, mais bien, Fred, bien. Parce que Fred, t'as vu, ça fait combien de temps que t'es là? 60 ans. À peu près, 62. Voilà, pour arrondir. Donc c'est normal, t'as de la répartie, t'as de la bouteille. C'est normal. T'as plus de bouteilles. Hein. Il m'a fallu du temps, c'est vrai. Ah ouais, on a pas ton âge, frère. C'est normal que. Oh. Moscou, et voilà. Je te laisse réfléchir ça à ta réplique. Les famas, les Kalachnikov. Ne bouge si pas dans un bon instant. Continue à envoyer des messages. Si Fred il fait un freestyle racaille ce soir, ça sera du jamais vu. Ça c'est truc, c'est ah oui, ça 10 millions du jamais vu. Ça sera du jamais et vu. Si j'arrive à le faire, ça serait lourd. Non, mais Niro, tu veux pas gâcher non plus la sortie de ton album. Yeah. Ouais, on va tu veux pas. Tu veux pas flairer la sortie de ton album quand même. Non, archi pas du donc tout. Donc finissons sur une bonne touche. Ouais, mais quand même, j'aimerais bien. Bah, ça, c'est de la grosse promo hein, quand même. Fred de Sky qui fait un freestyle à Rakai. Je suis pas sûr. En spécial pour Niro, si tu le fais le freestyle Rakai, le prochain album, je te mets dans l'album direct. Encore un truc caché. En featuring avec Grand Corps Malade. En piste cachée. Ne bougez pas, on revient avec Niro juste après ça. Nekfeu, il y a des places aussi à choper hein, tout à l'heure pour Nekfeu. Inscrivez-vous pour faire tourner la roulette. 41 759 inscription. Nekfeu pour récupérer les places pour la tournée. Niro est avec nous entre 20 et 21. Ouais. Toujours là. On doit passer un petit coup de fil dans un instant à quelqu'un parce que. Attends, parce que. Attends, on est à l'antenne. Tu peux filer le portable maintenant. Voilà, il faut appeler tout de suite. Merci. Il y a une petite surprise. Une petite surprise pour Top Planet Rap. Nous allons appeler quelqu'un. Nous allons appeler quelqu'un en surprise. Koro est là aussi. Koro est bien arrivé. Koro est là. On a la fine équipe là ce soir, on vous prépare un truc. Et on écoutera d'ailleurs le morceau qui s'appelle Wesh à Monzinc dans quelques minutes. Wesh à Monzinc dans quelques minutes, produit par 4093 Orino Music. Et je tiens à souligner aussi parce que t'as vu, souvent on oublie les beatmakers, etc. Mais force à tous les beatmakers avec qui on a pu collaborer. Ouais, force à vous parce que sans vous aussi, on n'en serait pas là. Donc force à tous les beatmakers et à tous ceux qui s'acharnent, force à tous ceux qui envoyez travaillent. Envoyez vos prods. Contact booking niro@gmail.com. On est dispo, on vous répond rapidement. Si c'est lourd, à Genius. Merci. Et grosse dédicace gros à Genius. Genius, la famille. Gros reviens avec ta grosse tête là, on va te frapper. Là. Genius, chapeau. Le J. Gros Niro avec nous, et donc c'est bon, on a la surprise par téléphone. Ouais, te laisse dire allô. Niro, faut que tu mettes le casque pour que tu entendes. Je te mets le casque tout de suite. Ouais. Allô. Allô. Ah, frérot, ouais, ça va. Ouais. Ouais, je comprends quoi. Bon, est-ce que par exemple ce serait un Chegué qui nous appellerait? Ouais. Un Chegué. Gradure, comment ça va? Ouais, ça va et toi, Fred? Eh bah écoute, très bien, une belle semaine avec Niro. Ouais, Gradure qui sort son album le même mois que moi d'ailleurs. C'est là le 27, hein? C'est quoi, le 27 novembre? Ouais, le 27. Voilà, Chegué Vara volume 2. Chegué Vara 2. Voilà. Avec déjà un morceau incroyable qui s'appelle Rosa. T'as vu ou pas? Salopard. Tu sais ce que j'en pense, moi. Niro, il m'a envoyé un message, il m'a dit. J'ai entendu à la radio un petit zouk noir. Un zouk sombre, une sombre histoire de zouk. Il m'a dit une petite histoire sombre de zouk. J'ai dit, ouais, tu connais. Ah, moi, j'adore ce morceau, moi. Ouais, il est cool. Ah, il est bon ce morceau, le clip aussi, cool. Pareil. Ouais, très, très bien. Force à toi, frérot, voilà. Ouais, en léger. Mais là, on va revenir fort. Inch'Allah. Il paraît en d'ailleurs cas, que chez Guevara 2, il y a beaucoup de choses en dessus. Hein. Ouais. Il y a des bonnes petites choses. Et moi, je tiens à signaler aussi qu'il y a un morceau là qui va arriver avec Gradure, un hors-série qui est patate bouillant. Voilà. Qui sera pas sur l'album, mais qui est lourd. On va essayer de le mettre en image, Inch'Allah. Donc voilà. Ouais, ça va arriver fort. Donc il y a une connexion entre vous deux. Toujours. Une deuxième. C'est Bouygues Télécom. Une deuxième, comme d'hab, ça bouge même pas. Une nouvelle connexion. Voilà, comme jamais. T'es où, Gradure? T'es de retour ou t'es encore parti? Ouais, je suis de retour. Moi, j'étais en Afrique, là. J'étais au Congo, j'ai fait un concert là-bas, ça s'est bien passé. Là, je suis rentré, je dois faire des clips et tout, tu vois. Merci la promo. Merci d'avoir été avec nous et puis on t'attend donc le 27 novembre. D'accord, parfait. Grosse force à Niro. Va les soutenir, allez acheter un peu. Tu vois, allez acheter pour pas voler. J'ai écouté tout à l'heure. Entendu tout à l'heure. Tu as entendu? Tu es d'accord avec moi, Gradure? Ouais, faut pas voler. Ouais, la musique ne se quand vole tu, pas. Quand tu soutiens un artiste, faut le soutenir jusqu'au bout, tu vois, ou pas. Sinon, c'est à cause de ça qu'après on disparaît, tu vois. Ouais, donc voilà. C'est grosse dans une semaine, frérot. Grosse force à toi. Voilà. Frérot. Nous, tu connais, on achète tous les CD d'albums des rappeurs. C'est vrai, c'est vrai. Ouais, ouais, c'est vrai que Gradure, il donne beaucoup de force, ouais, d'être. Il donne plaisir, force à tout le monde. Ouais. C'est comme un brave ça. Mec, voilà. Voilà. Un brave mec. Force à toi, frérot. Voilà. Enlevez, frérot, en tout cas, force à toi. Et on est ensemble le 6 novembre, Inch'Allah. Inch'Allah, ça bouge pas. Vas-y, frérot, mon frérot. Frérot. Merci, ça bouge frérot. Pas. Vas-y, force. Merci à toi, Gradure. À très vite. Allez, compte, frérot. À bientôt, on se rappelle. Vas-y, frérot. Ciao, ciao. La connexion donc avec Gradure et Niro qu'on attend dans les semaines à venir. Ça va dépendre des ventes, là. C'était quoi ce. Parce qu'il est croustillant, le morceau, carrément. Il est croustillant. C'est un très gros morceau. Force à toi, frérot. Voilà, force à ton équipe. Force à Touroubé. Force à Lille. Tous les frérots. Tiens, j'en place une pour Leslie Jack, qui est là aussi, qui nous vient du Nord et tout, et qui prépare son projet, qui est là. Une grosse dédicace à lui. Qui est de l'autre côté, Niro. Ah ouais. Il est là. Voilà. Ok, bah, dédicace à toi. Niro, on écoute ce morceau avec Koro, c'est parti. Ouais, putain, Koro, il est là d'ailleurs. Attends, on va vous le présenter d'abord. Non, ah bah, petite présentation. Bah, présente-le-nous. Monsieur. Présente-nous, comment, qu'est-ce que tu pourrais dire sur Koro Alors, Koro, en quelques mots. En quelques mots. Ami d'enfance, frérot, fidèle. Bordel, émeute. Non, je rigole. Koro, c'est mon frère d'enfance. C'est un mec avec qui je rappe depuis toujours. Mmh. Voilà. Il était là sur le premier, il était là sur le deuxième, il était là sur le troisième. Avec qui t'as fait les 400 coups aussi, normal. Ouais, on a fait les 400 coups, là, on a fait les 4 albums. Voilà, je suis fier de le recevoir. C'est pour moi, comme je dis, même dans Naïf, je dis que c'est un mec. Je l'ai mis pas dans la liste de ceux qui méritent pas, et c'est, j'ai pas mis des petits noms à côté de lui. Donc voilà, donc Koro, je vous présente Koro, mon frérot qui est là. Voilà. Il va se présenter. Comment vas-tu? Bah écoute, en pleine forme, bien. Forme. Qu'est-ce que tu veux ajouter après cette présentation de Niro? Bah il a tout dit. Hein, ouais, puis, Koro, c'est Dominique de Villepin. C'est Dominique de Villepin. Tout le monde l'aime, Koro, tu vois. C'est comme les bonbons. Villepin, tout le monde l'aime. Ouais. Non, mais Koro, ça. Non, mais quand je dis de Villepin, c'est qu'il a la poignée très présidentielle, très ministérielle. La poignée de main. Mais c'est Koro, c'est un bonbon. Tout le monde l'aime, frérot. Et bientôt, je vais vous le ramener sur le devant de la scène. Bah, je vais le laisser parler, tu vois. Ouais, qu'est-ce que tu nous prépares, Koro, là? Bah, écoute, honnêtement, je te dis la vérité, je préparais pas grand-chose et ça pousse derrière, tu vois. Il y a l'entourage qui me pousse à mort pour faire quelque chose. Qui me casse les couilles. Qui m'envoie des messages, des screenshots, tout ce que vous voulez. Et donc, du coup, bah, ça motive. Et puis, vu l'équipe qu'on a, je pense qu'on peut faire de belles choses. Et bah, c'est le quatrième album, ça fait 4 fois que je suis dessus, donc voilà, moi ça me fait plaisir parce que le fait d'être dans l'album, c'est comme si j'avais percé, donc du coup c'est réglé. C'est lui qui a percé, tu vois, mais c'est comme si c'était moi, vu qu'on est pareil. Vous avancez ensemble, ouais. Non, c'est un frérot, voilà. on a grandi vraiment ensemble, c'est un mec, tout ce qu'il y a de plus fidèle et tout ce qu'il y a de plus brave. Voilà, je connais ses parents, il connaît mes parents, nos parents se connaissent. Voilà, c'est d'ailleurs grand salam à sa maman, grand salam au daron, grand salam à toute la famille. C'est un père de famille exemplaire. Pour moi, c'est un exemple d'attitude. Le mec qui tient parole, c'est un vrai bonhomme. Donc voilà, après, t'as vu, je vais pas trop le gonfler parce que. Il va gonfler. Mais je le mets bien, mais force à lui. Pour moi, c'est comme. Je pense qu'Abou, il sera d'accord avec moi s'il m'écoute. Et d'ailleurs, beaucoup de mecs de BLO, ils seront d'accord. Koro, c'est un phénomène, tu vois. Eh bien, si on écoutait maintenant le morceau. Bah, ouais. Vas-y, on voit. Grosse dédicace aux frérots de BLO. Ouais, force à tous les frères de BLO. Ah, Kennedy, bon. Dédé Long Beach, Kochi. Même la Kinière, les gens ils disent ouais, c'est Kinière, la Kinière, Roland Garros, MDS, oh là là, il y en a trop. Il y a trop de quartiers, là, il y a trop de routes dans la salle d'un coup. Force à BLO. Ouais, ça bouge pas. Tous les quartiers de France. Wesh à mon zinc maintenant. Wesh à mon zinc. Innovant dans les bacs, si je me souviens. Wesh à mon zinc, fit coucou. Rhinom musique. Ah. Laisse-les croire qu'on a plus grand chose à dire, frère. Pour mal ce qu'on dure, on n'a pas attendu le mi-père. Man, je vois la vie dans la couleur d'un misère. À la fin, j'ai mis le frein, au début, j'avais mis mille frères. Dans le cachet de l'enjeu, on est du père. Mais sinon, bon, j'ai poteau, mais c'est comme un ulcère. Allez soutenir, tu te sens. Fuck les papillons nus, mon vieux. Comme le poteau d'Uber, Darren blessé, fric sous scellé. À la Hennix, c'était toujours sous CR. On a tout serré, pété un bleu car. Y'a qu'en un seul qu'on aura la tenue impeccable. Juste un plein coup, honte mes parents. Tu veux goûter, hein, vas-y, fume mes paroles. Fuck les patrouilles. La vie c'est sale comme initié son fils. Ah, dealer de la drogue, rien à cacher, on a tout à perdre. Je vais pas jouer le MC qui va tout baiser cette année. Ils sont tous fanés, tous affamés. Au béton, ça parlait d'allumer les condés. Horizon restreint, c'est ce qui nous restera. Chez nous, le destin avance, non, il recule pas. Je suis numéro 6, je distribue les ballons. Je fous la merde comme mon fils dans ton salon. Parle-moi dans la langue du paternel. Fool's bull depuis l'époque de la maternelle. Quasi alimenté par la correctionnelle. L'enfant de la rue progresse que dans les problèmes. Wesh à mon Zac. Wesh à mon Zac, le Sinovo. Wesh à mon Zac. Si je me souviens, faut aller chercher les règles. Yeah. Wesh à mon Zac. Qu'est-ce que tu deviens? Qu'est-ce que tu deviens? Wesh à mon Zac. Allo, c'est novembre. Faut aller chercher. Mais allo. Ouais, ouais. T'es passé du Clio à 5. C'est d'art, ça peut le haps comploté. Un clito à 5. Wesh à mon Zac. Wesh à mon Zac. Wesh à mon Zac. Un hier au 6 novembre. La coca, l'héro, le sexe, ça fait tomber des frères. Ouais, ouais, ouais. Alpha Kilo 47, un peu plein à des mêmes. Livré à moi-même, j'fais ce que j'peux ici. Ici, moi, j'me démerde. Jamais à demander à la daronne. Gros, depuis petit peu, j'me démerde. Bello. Ma trilogie dans les boîtes, ils ont pas compris le concept. Ouais, ouais, ouais. Des mots de soucis quand j'vide mon sac. J'remplis des salles de concert. Le jour s'élève, j'ai pas dormi. J'réfléchis à ce qui nous concerne. La nuit m'a porté la brosse. Pourtant, on m'a dit qu'importe les conseils. Énervé comme mes ancêtres, Arabie est fier de l'être. Je prends les gros chèques, je vous laisse le reste. Pour moi c'est que de la branlette. Une spéciale à Nino Bond. Pense à toi mon frérot. J'espère les étudiants au philo. Wesh Imran de l'air. Wesh Imran. Tu me veux du bien, je te le souhaite aussi gros. Là c'est le mec. Façon. Bientôt je me barre de là, j'étouffe comme dans un hammam. Imran, je sais que tu m'écoutes. Salam de tonton, ça bouge pas d'un trait. Je mets des levées de côté pour mon fils Jihad Mohamed. NIRO. Qu'est-ce que tu deviens? Eh le Sinovo. Si je me souviens, faut aller chercher sa foi. Faut aller chercher la famille Sinovo. Si je me souviens, NIRO. Ça bouge pas. Wesh à mon Zac. Wesh à mon Zac. T'es passé du Clio à 5. C'est d'art, ça pue le haps comme planté un clito à 5. C'est d'art. Wesh à mon zinc. Wesh à mon zinc. Wesh à mon zinc. Avec un extrait de l'album à l'instant, Niro, Wesh à mon zinc et Koro. Ouais, Koro qui est là avec Koro, nous. Mon frérot, il est là. Voilà, ça fait plaisir. Est-ce qu'on Koro, est. Je sais pas, t'as peut-être quelque chose à dire. Tu voulais ajouter quelque chose, Koro, donc. C'était quoi la question? Non, il y a pas de question. Tranquille. T'as ouvert un Hanout. tu peux relancer la pub si non, t'as non, ouvert non, un Hanout. Je pense que vous avez écouté l'extrait du morceau. Il veut tout dire, je pense. Voilà. Et Koro, pour moi, je, comme je vous dis, qui est l'un des plus forts. Je vais même pas dire de sa génération. Voilà, il n'y a plus rien à dire d'autre à part aller soutenir. Et Koro, il arrive bientôt. Et l'autre chose à dire, c'est est-ce que vous êtes prêts pour le live maintenant, messieurs? Oui, oui, oui. Ouais, ouais, ouais. D'accord. Live Moscou. Direct. Ouais, ouais. Non. Alors, je dis, on t'a pas oublié, ma gueule. Ok, donc. Une spéciale à bouche B, mon frérot, bouche B, salam à toi, mon frérot. Ouais, frérot, juste avant ça, je voudrais faire une petite dédicace à la Submission Team, ville, Jouanville, aïe. Moussa, et Momo, petit Momo, et Orly, choisi Vitry, pour ouais, ne ouais, pas ouais. changer, Jouanville. Voilà, j'ai un... À la Submission Team, voilà, à BBS, à Akli, Bruno, Bam Bam. CG Show à Nora et ses filles, force à toi Nora, voilà je t'aime beaucoup ma soeur, t'es une brave. 2m10 et Olivier et Franck, aïe. Wiggy, Massy, Place de France, il y a quoi, les Baconnets, il y a Criquet, Zola, Poisson et Sirou, voilà. Il y a qui d'autre, on a dit une spéciale aussi pour Karim, voilà Karim, qui a ouvert une chicha qui s'appelle le QG sur Paname, voilà Karim, force à toi mon frérot. Aujourd'hui c'était l'enterrement de Michael Ribeiro à Villejuif, voilà, grosse dédicace à lui. Force et à toi Michael, force à ta famille. Ouais, Assoulacré, Marwan, Chabert, Sofiane, Pompon, Chundi, dédicace au 8 mai. Ouais, yeah. Force à Pompon, DBD aussi, force à tous les frères qui nous soutiennent. Moscou, c'est quand tu veux. Et force aux frères enfermés, Causer, Chabert, on vous oublie pas. Ouais, Causer, Chabert, force à vous, voilà, ça bouge pas d'un trait. Allez, c'est parti, force c'est l'heure. Les petits frères. Kennedy, c'est l'heure Kochi, du live. Turpie, Turpie. NBA au 6 novembre, faut aller chercher ça, faut. Ouais. BBS, Maze 94, mon pote. Ouais. 6 novembre. 6 novembre. Si je me souviens, NIRO 6 novembre. 6 novembre. Dans les bacs. Dans les bacs. Ouais. Ouais. Wow. Laisse les s'enflammer jusqu'à ce qu'on les a. Faut pas se faire balancer aux apparences. Ceux qui parlent beaucoup n'ont jamais eu de parole. Ils t'aimeront quand t'es mort comme DJ Mehdi. J'ai mérité mes titres, ben mérité j'ai dit. C'est pas de la comédie. J'ai médité mes quittés pour juger, critiquer mes idées. Mais j'ai débridé mes vies, lucidé mes pis. J'aurais mieux fait d'éviter des feats et des beats et des hits. Mais j'ai kiffé, j'ai vite compris que j'étais pas comme eux. Quand je les ai vus sucer des beats et des beats, là j'ai tité. Les dés sont pipés, les jeux sont truqués. Moralité, après miraculer, va te faire enculer. Va te faire enculer par Laurent Ruquier. La vie, ça donne des bois, peur de quoi halluciner. La plupart de tes rappeurs t'ont baratiné. Tu t'es fait lever à l'aube, début de la matinée. T'arrives en cellule d'arrivant à l'heure de dîner. C'est baisé, c'est baisé. Je suis léger, mais je veux peser. Proposez-moi des lovés, j'ai des projets à déposer. Et je creusais un fossé entre moi et la relève. Mauvais élève, demande-moi pas tous les défauts que j'ai. 6 novembre dans les bacs, si je me souviens. 6 novembre dans les bacs, si je me souviens. 6 novembre dans les bacs, si je me souviens. 6 novembre dans les bacs. N.I.R.O. Koro. Le 6 novembre dans les bacs. Ok. Ouais, envoie une autre insulte au DJ Moscou. Ouais. N.I.R.O. 6 novembre, faut aller chercher ça. 6 novembre. Ouais, N.I.R.O. Vous avez plus la dalle, nous on va tout prendre. Et si on a tout compris dans la souffrance. Vous avez plus la dalle, nous on va tout prendre. Ici on a tout compris dans la souffrance. Je tiens les pénalty, les cornes et les coups francs. La jalousie les tue à tout ce qui me rend souffre. Les ratailles se taillent avec les vrais qui restent. Tu me donnes du bif, espèce de sous-bit. Si je te croise à la tirette, je te roule dessus direct. Tu n'es dans les prises de tête. J'ai jamais mis mon nez dans la roue. Vous allez retrouver vos carrières de merde. Découpé en 8 dans un sac poubelle. Depuis que j'ai sorti Viva Street, les salopes augmentent le prix. Tu veux réussir au Cap Sartain. T'es un gros cul, mais il te manque le i. Salope, y'en a qui soutiennent que pas à terre. Qu'ils soient bons ou pas, j'peux plus les voir. Ils veulent que c'est rêves venir à tes soirées. Ils te ramènent que dalle, que des plans foireux. Gros, qu'est-ce que tu veux? J'les ai vus venir depuis la couveuse. Ils veulent tous partager leur enfer, mais ils gardent tous leur paradis pour eux. Chacun sa route, niquez-vous en mer. Les grands bonhommes font les grandes histoires, salope. Les grandes salopes font les grandes histoires, salope. Je pense à ceux qui sont pas en vie et paix ou vrais qui nous envient pas. J'ai eu pour chanter, follow me, pas les couilles si tu nous suis pas. Non, pas la brise, qu'on chante du placard. Je vais te balafrer la joue. J'ai un tas d'ennuis, sale petit bâtard. C'est à la nuit que je remets tout à jour. Mon compte en banque réclame des zéros. Autrement dit, des millions d'euros. Là, c'est de la faim ou de la gourmandise. Là, c'est Nordine. Nous, les numéros. Si nous vendons dans les boîtes, qui nous vendent dans les boîtes. Mon ami. Ben ouais, mon ami. Si nous vendons dans les bacs. Ben ouais, mon ami. Tawero. Yeah. Ouais. Tawero, le 6 novembre dans les bacs, si je me souviens. Si je me souviens, Tawero. Bello, ça bouge pas. Yeah. Mauvaise humeur, j'espère les laits. On dit K.O.R.O. ça fait long time. Qu'on me souhaite du bien, qu'on me souhaite du mal. Ils déplaceront jamais des montagnes. À mes détenus, gardez le mental. On débarque full hella, après on style. Gardez vos blagues, écartez vos chats. La Hagrande est plus rentable. Je lâche du lest du haut de la nacelle. Je vois large comme le frérot Nasser. Ouais. Père de Casal, de trois gazelles. Le genre de mec qu'on incarcère. Pour la paix, casse pas la tête. Mais you vois savent ce qu'il y a à faire, frère. Là même dans tous les tchécas, car à mes détenus d'MP à freine, frère. Chérie, pas de stress, délit de faciès. Bouge pas, on te baise avec délicatesse. Ils ont la bouche pleine, oh, rien qu'il faut les man. Ils revendiquent le cul à l'air comme des fémènes. Juste une case d'aide, la rue un casse-tête. Tout le monde veut contrôler le rinté à la baxelle. Ils parlent tous de game, de bise, de EU et de chocal. Chétan nous pisse dessus, nous parle de me graffouille. Spul, de petit peu. Il conduit sans mi-père et arrache tout ce qu'il peut. Dans ma ville ou dans la tienne, c'est la merde, mais je l'aime. La mort, c'est la meilleure des peines. Mais rabat de dimanche à samedi. Si t'as un plan, préviens, on voit sur le parking. Fuck ton plan solo, on veut péter le gros lot. Gros là, gros là, on se place le pectoral. Kill, K-O-R-O, Bello. K-O-R-O, Bello. Ça bouge pas d'entrée. Ouais, ouais, Bello. Ouais, ouais, mon ami. Ouais, ouais, mon ami. Ouais, ouais, mon ami. Ouais, ouais, mon ami. Ouais, ouais, mon ami. Ouais, ouais, mon ami. Ouais, ouais, mon ami. À Moscou, tu changes la prod, c'est comment? On va la soudure. HP Land, Mister Joy dans le truc. Spécial à Masta de Masta, spécial à la Bobby, à Nadir, Cash Bay, PDC. Ouais, Chichakal, Longo, Seymour, ça bouge up. Ouais, Eliro. Ouais, ouais, attends, mais. Rams. Eh, mais attends, frérot. Attends, ouais. 45-140. Ouais, je parle de tout, de rien, je m'en bats les couilles, couilles. Un qui boffe sur moi et m'ont pris pour un goût. J'ai du flow, du pif, du respect, tout ça, tout ça. Toute l'année je suis en vacances, ouais. Faut que là tout ça. Dis l'heure de se rhabiller, je connais déjà leur tchatch. Je veux pas me réhabiller, j'ai pas besoin de leur chat. Amène ta clique de l'op ça. T'avais jamais entendu un rubber rapper comme ça. J'ai sorti une mixtape, ils m'ont dit c'est un album ça. Voilà Niro, ça se voit, t'as tout charbonne sale. Tu mérites, poto. Machallah t'es jeune quand tu parles, on dirait que t'as des rides, poto. Voilà t'es vif, poto, t'inquiète pas. T'es déjà leur putain de bête, moi. Je m'inquiète pas. Tous les ghettos sont avec moi. Je viens de l'espace, serre les fesses, je suis pas ouvert moi. Partout je passe, tous les regards sont pointés vers moi. C'est moi une vodka corsée, je bois pas la bière, moi j'ai quoi être fier moi. Tous les vrais gars sont derrière moi. Pourquoi tu me guettes chelou, je suis un enfant de la zézère moi. Je te baise moi, paye moi tous les jours, pas tous les mois. Assez Niro, maintenant faut brasser. Le temps c'est de l'argent, on en aura jamais assez. Regarde les gens, c'est pas honorable, c'est déclassé. On pousse à mettre une bague, on me force à mettre les bracelets. AMV ma chaîne, ma liasse, mes putains de lacets. Tu en vas y voir ma place. Parmi les carnassiers, j'ai toujours été vrai. Tu peux me souhaiter d'être prêt. Demande à mon équipe, j'ai toujours été prêt. J'ai la recette, le secret. Fuck les deux trèfles. Tous les rayons fermés pendant le ramadan. À neuf frais, arrive le bois d'art, les pommettes et la santé. Marcel Pollard et Martin et tous les stars à côté. Faut coucher un SS, la putain de sa mère. Coup de tête balayette à l'heure de la gamelle. Écrasement de tête, ils peuvent vite le mettre. Coco, ils te diront eux-mêmes, la prison c'est pas le club, mais grosse mère. NIR, oh, faut du putain de liquide. Laisse les tirer les cheveux. Comme Licky et Milky, laisse les faire les voyous. Quoi? Non, c'est qui est qui fait style, qui cherche les stores et qui les vesqui. Crois pas que tu nous impressionnes avec tes flows, j'ai fait ci et ça. Des fois je me questionne, je me demande si leur vie est ça. En tout cas, moi la mienne, gros, c'est pas la fiesta. J'ai toujours été vulgaire, faut que le ci est ça. Le rap et moi, c'est ma fille, ça tout. DSK. Mais t'étais où, toi, quand j'étais en bas? Faire du détail, sûrement, grâce à cela qui est le matin. Avec tes batailles, tu peux même faire du basket. Voilà, poto, tes batailles. Je peux lâcher une hasra au milieu du morceau, c'est mieux que la merde que tu donnes à Sky. Fini le temps des haggars, on te fait à 9 milli. Ouais, ouais, même pour une meuf mimi. Voilà qu'ils ont pas d'âme, c'est des cadavres. Dans leur tête, c'est Bagdad, dans leur slip, c'est le cadavre. Ouais, ouais, mon frérot. Ouais, ouais, mon frérot. Qu'est-ce qui t'aime? Qu'est-ce qui t'aime? Ben ouais, mon ami. Qu'est-ce qui t'aime? Ouais, c'est mon zèle, t'as pété le flow. Qu'est-ce qui t'aime? Le son is warm, c'est le der. Qu'est-ce qui t'aime? N.I.R.O. c'est novembre si je me souviens. Ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais. Qu'est-ce qui t'aime? Mr. Flow, dois j'te là? Qu'est-ce qui t'aime? K.O.R.O. ouais, j'te là? Qu'est-ce qui t'aime? Baby Congo, si je me souviens, qu'est-ce qui t'aime? Maisinho, est-ce que t'es là? Qu'est-ce qui t'aime? Oh, voilà, souffle. Yeah. Ok. Yeah. Ok. Woodboy, Woodboy, Woodboy. On est Al. Ok. Al. On est Al. On est Al. On est Al. Ça fait. Ok. Quoi de neuf, négro? Je suis coffré dans la chop. Envoie la clé du coffre, c'est de la baraque, négro. La rage à 12 piges. Viens par là, je t'explique le topo. Tout se payera en bourse, vite. Tu verras pas venir high kick à la tempo. Je rappe brise tes tapins. Nique-toi, toi et ta clique de tapin. Quoi de neuf, négro? Rien de spécial. C'est la même merde quand je me lève tous les matins. Je baisse des brunes, des blondes et des châtains. Catin, crois quoi qu'on perd la tête. À force de côtoyer les fous, les gens, ça perd la tête. HP Land, car t'es dans le bloc, voix de rock là. Yeah. rouler mes billes. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. On va y aller les calons, faut tourner le bise. Yeah. Yeah. Ça va la famille, je vois t'as grandi. Arrête tes bêtises. Ouais, tu vas te foutre dans la mouise depuis que ça qu'est parti. Moi que la vie est quoi, il faut faire la SLS. Ça fait pas libre. Ouais. HP long, HP long. Dans le bus, yeah. Le 6 novembre. Yeah. Novembre. Si je m'en souviens, si je m'en souviens, si je m'en souviens, si je m'en souviens, ouais, rue de Boy, dans Wero. Poto, poto, passe-moi le micro. Pas de sentiment comme un dealer d'héros. Pas encore sous camisole, mais la folie m'escorte comme une putain de sale pute dans un putain de télo. Minimise pas les dégâts qu'on cause. Yankee, c'est tes dégâts qu'on dose. Ramène-moi le micro à chef, que je les achève. Laisse les jacter, mes péchés s'allègent. J'y reprenne du poids à chaque 16. À 15 ans, on rappe déjà à l'aise. Les balances ont laissé leurs couilles dans leur fouille. On a fait des raids sur la braise. Fais les fils de tympan en cash, tu vas payer. Yeah, yeah, K-O-R-O. Belle O. T'inquiète pas, on est là, ma gueule. Hey Patch, Mick Mill. Ouais, il est amazing. On est là, ma gueule. Hey, on va faire tourner ouais. La roulette dans un instant. Allez, allez, dernier, dernier live. Dernier live. Frérot, c'est là. Le Kébus. Allez. Si je me souviens, Niro. Pepero, okay. 45. Je remplace Trick, je suis en tête du peloton. Place plus, j'ai de loin. Jadis, des champs de coton. J'ai bien des barres, des plaquettes, à zipper des litros. Je suis sur la sélection, je béton, je me relève sur tes flots. T'es mort, la vie m'a cessé, j'ai perdu d'un pute sans saut d'essai. J'ai entendu Alexé, je suis au volant si je déroute à décès. Allez, on peut pas changer la scrume, mettons la route là. Rapidement, on va y aller. Vas-y. Putain, c'est le bordel ici. Mais Oudji font de l'oseille facile. Lève le compète, frotte la babette, vais ce qu'il est dès comme Zach Hakim. En province, y'a beaucoup de talent. Tu provoques, va t'égoûter les talons. Le prince, ça c'est chaîne à talons. PB, prince, échelle, c'est pas long. Sors le Zodiac, traverse la mer. Trois cardiaques, rappe à ta mère. Mes viraux, c'est le vaisseau, mes verres. J'ouvre le champ comme le bar américain. Jack, t'es sur moi. Les langues de pute, on les baisait, y'a quoi? Pour ta race, pour t'empêcher tes doigts. Sale connasse, de la rendu comme toi. On me dit, l'aime ça, vas-y, perd. On me dit, l'aime ça, faut les baisser. Boycott, infernal, j'ai des envies, je crache sur vos fesses. C'est pour mes rats de Bello, il reste. Les hoots souris sont dans la pièce. La piraterie, c'est notre dieu. Fils de pute, prix, on te met à l'aise. Avec une pochette, on se prépare les pochettes. L'aime ça, 41 000 blois, mon frère. Avec une pochette, on se prépare les pochettes. Les enfants perdus, à rabat les bolos. Pendant que tu nous joues de la flûte de pan. L'ange de vie perd le poison. Je réponds. Tu puisses le doigt d'être retenu par le son. Genjutsu a agir comme Naruto. J'aime les cobras, Rio Delta. Tatataga, nuage d'amnésia. Si je suis Winnie, t'es porciné. Tu me titines et gros, je deviens gros minet. Ferme ta gueule, prends tes clopinettes. Je faisais mes sous en volant des mobilettes. Ah, je faisais des sous en volant des mobilettes. Ah, ça part de terrain, ouais, c'est tous des clicos. Canon sur la tête, c'est juste un par la crosse. Allez, c'est fini, merci à vous. Merci pour ce Planète Rap, merci Niro, l'album sort dans une semaine. Merci à l'équipe de Street Lore d'avoir été là. On est là, on est là, Teddy Corona. Voilà. Attends Fred, voilà, j'ai fait déplacer mon frérot Peperos, il vient depuis très loin. Je veux qu'on mette le morceau, on arrache la route. On arrache, on arrache. Ça se trouve, ça sera la dernière. Gang bang. Alors, on va aller très vite, on balance très vite et après on retrouve D-Fool. Allez, c'est parti. Vas-y. Vamos mon pote, dos, Moskra. Eh, tout quartier, frère. Brr, brr, brr. Rose Pépé. Niro. 45 LS, tu es lourd. Cosmos. 1, 2, 2, bravo, Pépé. Bosez encore, t'es Pépé derrière la machine est en marche. La figure du sort plan. Frérot dans l'air, la source, la gauche. La gendarmerie, les salmones. On arrache la rue. On arrache la route. Oh, ah, vite pas la route. On arrache la route. Bah, lâche la rue là. Maman, libéra, on arrache la route. Je suis nouveau. Fournisseur. Si je me souviens, Pépé Ross, elle est là. Fournisseur pour chaque heure. Ouais. La paix dans le saladier. La rue m'a maladier. Yoga. Ils ont plus d'avantages, ils voudraient qu'on les traite encore comme des gamins. J'avais l'orage négro, gérer ma famille, mon terrain, mes gamins. Rap, un vieux élevé, les tuveles, plier les billets. Roquette, enquête, vanille sous la banquette. Quoi qu'il se passe, on va nier. Vrai rebeu, vrai renoir. Jupe de blois, LS, je suis sûr de moi. J't'ai mal au magot, t'es mal au boule, Ayamado. Les rats sont vaillants, les nouveaux six gros sont des anciens détaillants. Assis dans un feu comme ils aient son FB sur un ticket gagnant. Vélo, mauvais pochon de l'argent facile, Niro, l'appétit vient en mangeant. J'aperçois le gibier à 10h dans le viseur, je les vois, ils sont plusieurs. Si je vais me voir parce que j'y vais par chinois, je lui dis que ça fait 6 mois. Ouais, t'as vous avez pâté. Ouais, si je me souviens, elle est dans la chauffe. La palée. Hein, chaque jour, chaque heure. Banné dans le holidé. Oser, oser, éviter. Ok. On arrache la roue. On arrache, on arrache, on arrache, on arrache. On arrache la roue. Oh oui, oui. Tu chacales. Et un bloc. On arrache la roue. Hein. Orly. Radio. On arrache la roue. On a cassé la roue. On va contre Marseille. En famille. On est serre. On est wedge, Younes. La famille. On chaque jour, chaque heure. Hein. Pépé. Mardi du mort, la peur dans le saladier. Ravax, wesh, ouais, des longues buts. La rue, ma manager. Encore, Pepperos. Vamos, vamos dans le gros gamos. Le palcassos, anegratos. Même les bastos, demande à Bramos. Allo, c'est qui? T'as mon numéro, mais je sais pas t'es qui. Tu frimes avec le reste de l'équipe. Va niquer ta mère, même si t'as le cul. La nuage, mais qui? On arrache la route, on arrache la route. Depuis le début, hors catégorie. Passe le salam à l'argonne, la source allemande. Tous les quartiers d'Arlin, ça fait des rangs une. Dans un spray, ça fait pchit, pchit sur ton matos. Je liquide à flot, crapule le crime. Allez, en belle, au centre. Mon dealer fait un distrait. Mon loin dealer que j'ai pas que à perdre mon temps, je vais rester discret. Comme les gros dealers et les braqueurs. Bah ouais, mon ami. On fait son ennemi. Les ennemis. Vas-y, dans le bout d'interdit des VLV parmi tes futurs ennemis. Bloqué entre la rue et le rap. J'arrive toujours à les concilier. Je suis rancunier. Y'a qu'un décès, une maladie grave qui pourra les réconcilier. J'ai des longues biches qui n'est du côté. Vélo, il reste la zone éliminée. Fais pas victoire, fais pas d'histoire. Les charognards sont déterminés. Merci, merci à vous pour ce planète rap. Merci Niro, l'album sort dans une semaine. Merci Arteferos. Merci à l'équipe de Street Lourd. On est super à la bourre. Niro, Niro, juste Niro pour finir. Merci, bonne chance à cet album si je me souviens. Merci à on toi. On te retrouve frérot. En tournée. Merci à toute l'équipe de Street Lourd. Merci, merci pour à toi passé. Frérot, on t'a pris un peu de temps. Force à G-Fool ouais. Et là derrière. On est très à la bourre, donc il faut y aller maintenant. Merci à vous tous, okay, passez okay. Une bonne soirée. Dans une semaine c'est la sortie de l'album. Ciao. Boyoka, boyoka G-Fool. Et oui, on oui. Est là, ça y est, c'est parti. Ouais. En place. La radio libre arrive et Fred le retour tout à l'heure minuit hein, yes, pour avec la nocturne de Planète Rap. Et là, attention, attention, on se prépare pour une grande soirée. Soirée de vendredi, soirée de folie. Ouais, ouais. On vous bon. Attend en tout cas ouais, on va faire comme ça, allez c'est parti tout de suite sur Sky Radio Libre.